souffrance bénéfique à notre évolution? Ben, l'évolution est une souffrance. Puis dans les souffrances bénéfiques, évidemment, c'est à peu près tout ce qui a rapport à l'évolution. On parle d'un karma. Et lorsque tu transformes le karma en leçon, ton karma devient bénéfique. Maintenant, on sait très bien que le karma de l'homme, le gros karma, c'est le karma relatif, celui qu'il se crée lui-même. Maintenant, la souffrance, qu'est-ce que c'est chez l'homme? C'est ce qui amène l'individu à prendre conscience que tous les mécanismes qui le régissent, tout ce qu'il a comme mémoire, comme expérience, ne servent à peu près à rien, ne peuvent pas le rendre efficace dans un monde dans lequel il va évoluer. Alors, ce qui fait qu'automatiquement, l'individu qui évolue dans un monde qu'il se crée lui-même, le monde psychologique, l'homme psychologique, l'individu qui évolue à partir de lui-même, en fonction de lui-même. Maintenant, quand je parle de l'homme qui évolue pour lui-même en fonction de lui-même, je ne parle évidemment que de la parcelle astrale de l'individu, d'une petite parcelle mémorielle qui canalise les expériences et qui va réussir à s'identifier dans l'événement même dans lequel il va réussir à vivre. Donc, on parle de l'homme psychologique qui se croit être l'homme mental, l'homme supramental, l'homme vital et l'homme physique, mais qui en réalité n'est qu'une parcelle qui a l'illusion d'être le tout. Cet homme psychologique, celui qui canalise toutes les expériences en fonction de lui-même, celui qui va se servir du corps physique pour acquérir de l'expérience dans sa psychologie, celui qui va gaspiller les énergies vitales pour pouvoir acquérir de l'expérience dans la psychologie, celui qui va soumettre l'énergie mentale pour pouvoir acquérir de l'expérience dans sa psychologie, celui qui va vouloir rencontrer l'énergie supramentale pour acquérir de l'expérience dans sa psychologie, bref, non pas l'homme réel qui est l'agglomérat de tous ses corps, mais l'homme psychologique qui croit être le représentant de tous ses corps et qui parle facilement au nom de Dieu et au nom de tous ses corps. Cet être psychologique essaie d'être efficace dans un événement, dans la vie. Il essaie évidemment de bâtir lui-même sa vie selon ses désirs, selon ce qu'il recherche et selon ce qu'il veut fuir. Et cet être-là arrive toujours à un point où il ne peut pas être efficace, où il ne peut pas contrôler l'extérieur. Alors automatiquement, il compare la réalité, l'extérieur, avec ce qu'il veut, et il souffre. Maintenant, on sait que la souffrance, c'est simplement le refus que va opposer une mémoire à la transformation. Le corps physique souffre quand on le coupe parce qu'il veut garder sa forme mémorielle, et vu qu'on transforme la forme mémorielle, il y a résistance, il y a souffrance. La souffrance psychologique, c'est la même chose. Tu perds quelqu'un dans ta famille, tu refuses de transformer ta mémoire, mémoire qui devrait maintenant admettre la perte. Donc, refusant elle-même de se transformer, il y a souffrance. Et la souffrance, qu'est-ce qu'elle est bonne? Pourquoi la souffrance est un mécanisme qui amène l'individu à évoluer, alors qu'il devrait être un frein d'évolution? C'est un frein d'évolution, la souffrance. Maintenant, c'est un frein lorsque l'individu avance réellement sur un chemin libre, un chemin, disons, mental, un chemin astral, vital et physique, et non pas seulement un chemin psychologique, un chemin astral. La souffrance, ce qu'elle a de bon, c'est qu'elle amène l'individu à devoir, coûte que coûte, s'en remettre à quelque chose d'autre. Il doit, l'individu psychologique, à un moment donné, s'en remettre soit à l'énergie mentale, soit à l'énergie intuitive du supramental, soit à l'expérience, disons, peut-être plus raffinée ou plus concrète d'un autre individu. Alors, automatiquement, la souffrance oblige l'individu à découvrir ses lacunes. Et ses lacunes, elles n'existent pas chez l'homme, pas chez l'homme réel. Elle n'existe que chez l'homme psychologique qui refuse de voir ou qui refuse de collaborer d'une façon intelligente avec les autres parties de lui-même. La feuille se croit l'arbre et elle refuse d'admettre que le tronc est le tronc seul. Elle veut bien admettre que le tronc fait partie d'elle-même. Alors Dieu est en l'homme, toutes les énergies sont dans l'homme, l'homme peut faire n'importe quoi, l'homme a tout en potentiel, ben l'homme n'a plus justement rien en potentiel ni en réalité. L'homme psychologique n'a rien et la souffrance n'est inhérente qu'à l'homme psychologique. Elle n'est pas inhérente à l'homme réel. Le corps physique ne souffre pas. Si tu anesthésies quelqu'un, c'est-à-dire si tu es capable de faire en sorte que la psychologie, que la conscience de l'homme, la conscience psychologique, parce qu'il y a plusieurs consciences dans un homme, que la conscience psychologique n'a pas connaissance d'une trituration physique, il n'y a pas souffrance. Même si le corps physique vit quelque chose, le corps physique ne souffre pas. Pas dans la réalité psychologique de l'homme qui souffre. Si je te gèle le genou, tu ne sens plus rien, je peux t'ouvrir le genou, t'ôter la rotule, tout refermer, et ça ne te dérange pas trop. Sauf si visuellement, évidemment, tu accompagnes l'opération, donc tu as une souffrance qui est visuelle. Alors, si on élimine la connaissance que la conscience psychologique de l'homme a d'un événement, il n'a plus de souffrance. Par contre, il peut avoir une certaine forme de peur, mais il n'a pas de souffrance, disons, réelle comme il l'entend, même si elle était réelle. Alors, ce qui fait que la souffrance amène l'individu à découvrir ses lacunes. Donc, la souffrance est l'ennemi de l'orgueil. Évidemment, plus l'homme est orgueilleux, plus il peut décider psychologiquement d'endurer de la souffrance, mais évidemment, à un moment donné, notre individu finit par arriver à un quota de souffrance psychologique qu'il ne peut plus accepter. Dans la psychologie de l'homme, il y a deux phénomènes qui peuvent l'amener à, disons, à s'écœurer, à prendre panique. Il y a évidemment une chose qui va être soumise à sa conscience psychologique, une chose qui est imprévue et qui ne va pas dans le cadre de ses concepts. Alors, évidemment, si tu perds un bras tout d'un coup, ou si tu gagnes à la loterie tout d'un coup, tu as une perturbation psychologique parce qu'elle n'est pas prévue par ta psychologie. L'autre mécanisme, c'est la répétition. Quand une chose arrive, c'est pas pire. Mais quand la chose se répète continuellement, une petite souffrance qui se répète continuellement, ou une chose qui est une jouissance mais qui se répète continuellement finit aussi par être tarie, ce qui arrive simplement, c'est que l'énergie de la psychologie enregistre mémoriellement. La psychologie de l'homme, sachez-le, est intéressée à gober de l'expérience. Pourquoi? Parce que la psychologie de l'homme, l'homme psychologique, veut contrôler sa vie, et pour contrôler sa vie, il doit contrôler l'univers. Car l'univers, selon lui, le manipule. En ce sens, il a raison, mais il a aussi tort. Car c'est lui-même qui détermine la manipulation, qu'aura le manipulateur sur lui. L'individu accumule de l'expérience et il a un besoin vital d'arriver à graver de nouvelles formes d'expérience dans sa mémoire. Parce que gravant de nouvelles formes d'expérience dans sa mémoire, il a une nouvelle rassurance, c'est-à-dire qu'il a une peur de moins, car il connaît un peu plus. Mais même si c'est une jouissance qui est gravée dans l'expérience de l'être humain, il en est ravi, il en est content. Il répète cette jouissance, mais il vient à un moment donné où la jouissance est permise seulement parce qu'il y a un accord avec les concepts, parce qu'il y a un accord avec les sens physiques qui sont reliés à la psychologie de l'homme dans certaines régions de sa psychologie, comme dans certaines régions de son cerveau, et ces stimuli sont catalogués comme étant bons. Et il y a, évidemment, tout ça est permis parce qu'il y a impression dans la mémoire de l'homme. Et l'impression est la seule chose que la psychologie de l'homme recherche, l'impression. Et c'est parce que l'homme recherche l'impression qu'il est impressionnable, qu'il ouvre ses portes à l'impression, et de ce fait, il est manipulable. Maintenant, lorsque l'impression a été faite dans la psychologie de l'homme, lorsque l'énergie a gravé la forme d'une expérience, la psychologie ne recherche pas nécessairement cette expérience, sauf si elle peut réussir à l'augmenter. Mais si ce n'est plus augmentable, même si cela va en accord avec les concepts ou une certaine jouissance, disons, des sens, il vient un temps où la psychologie se tanne parce qu'elle n'a plus de nouvelles expériences à l'intérieur de cette jouissance. Si on parle de souffrance, alors instantanément, l'individu va accepter l'impression d'une souffrance. Il l'accepte. S'il ne l'accepte pas, il n'y a pas souffrance. Il accepte l'impression de la souffrance, donc il accepte la mémorisation de la souffrance. Et cette mémorisation, cette souffrance, ne va pas en accord avec ses concepts, avec la jouissance corporelle. Alors, automatiquement, l'individu psychologique va donc se tanner, mais dans l'instantanéité même d'un fait. Alors, ce qui fait que jouissance ou souffrance, les deux amènent à la souffrance. La jouissance, c'est simplement que dans un instant donné, il y a accord avec ce que l'ego recherche, mais à la longue, il n'y a plus impression de nouvelles formes d'expérience. Je te donne une sucette, tu la prends, tu adores, mais au bout de 2000 sucettes, tu t'écœures. Pourquoi? Parce que l'expérience, elle est renouvelée sans être transformée, sans être améliorée, sans être légèrement différente, ce qui fait que les bases fondamentales de l'évolution de l'ego pour arriver à se rassurer étant l'impression de nouvelles expériences, il va finir par refuser cette expérience, même si au début elle était jouissante. Parce qu'il n'y a plus, la peur commence à se réinstaller à son insu, on parle de petite peur, mais disons qu'à la longue, on finit par être un homme extrêmement peureux, et à son insu, lentement, la peur s'installe et l'ego finit par refuser, c'est-à-dire qu'il se tanne, on appelle ça se tanner. La souffrance bénéfique, qu'est-ce qu'elle fait? Toutes les souffrances sont bénéfiques à la condition, évidemment, que l'individu qui vit une souffrance soit rendu à un point ultime dans ce genre de souffrance ou dans sa souffrance globale, où il acceptera le fait qu'il n'est pas ce qu'il pense qu'il est. Autrement dit, il ne s'identifiera plus à l'illusion, il aura tendance à s'identifier à une réalité, celle qu'il est ce qu'il est dans la réalité, c'est-à-dire que c'est un être psychologique avec des désirs, avec des planifications futures, avec des départs, avec un paquet de phénomènes, et avec toutes ces choses-là, il se rendra compte qu'il ne peut rien manipuler. Autrement dit, il dira que c'est le hasard s'il est heureux et c'est le hasard s'il est malheureux, mais en fin de compte, ce n'est pas lui qui dirige. Sauf si l'énergie mentale commence à prendre le dessus, et l'énergie mentale est la seule qui peut être liée à l'ajusteur de pensée, soit collectif ou soit individuel. Donc, à l'énergie supramentale. Mais tant que c'est l'homme psychologique qui dirige, et c'est l'apanage de l'humanité évoluante, qui veut évoluer, non pas le mental comme tel n'a besoin que d'expérience pour pouvoir faire des relations entre une chose et une autre chose, mais il ne recherche pas l'expérience. Le mental ne va rechercher l'expérience que s'il est assujetti à la psychologie de l'homme et que la psychologie de l'homme recherche, elle, une expérience pour pouvoir répondre à une question, donc se rassurer. Et si la psychologie de l'homme est habituée par la souffrance à remettre ses recherches entre les mains de l'énergie mentale, même si elle la dirige, automatiquement, dans ce cas-là, le mental va rechercher des informations pour pouvoir faire des relations, pour pouvoir donner une réponse à l'ego. Alors, la souffrance, elle est bonne pour l'homme si l'homme arrive à un point où il devra s'en remettre à des énergies supérieures qui seront, par rapport à l'homme psychologique, l'énergie vitale, physique ou mentale. Parce que l'énergie supérieure pour l'homme psychologique, ce n'est pas seulement l'énergie qui est hautement vibratoire, qui est plus vibratoire que l'énergie astrale. Pour l'homme psychologique, l'énergie supérieure peut être le corps physique. Parce que l'homme psychologique, l'énergie psychologique de l'homme, l'énergie astrale de l'homme pure, non colorée, non polluée, est une énergie qui est hautement vibratoire. Mais l'homme psychologique, c'est-à-dire l'ego, l'identification de cette énergie hautement vibratoire et identifiée dans l'ensemble, fait que cette énergie est polluée et elle est même plus basse en termes évolutifs ou en termes d'efficacité, et l'évolution ne se fait que dans l'efficacité, elle est plus basse que le corps physique. C'est le réceptacle qui change la forme, qui change les vibrations de l'énergie astrale. L'ego décide ce que le corps physique a de besoin et ce que le corps physique ne prendra pas. L'ego décide du gaspillage d'énergie physique ou d'énergie vitale. L'ego décide du gaspillage d'énergie mentale. L'ego décide de ce que devra faire le corps physique pour plaire à l'ego, de ce que devra faire l'énergie mentale pour plaire à l'ego. Et ça, c'est l'homme psychologique et c'est le seul qui souffre. Le corps physique ne souffre pas comme l'homme psychologique l'entend. Ésotériquement, on parle de temps en temps d'une souffrance mentale. Mais la souffrance mentale, c'est un mot qu'on emploie, mais la souffrance mentale n'a absolument rien à voir avec la souffrance de l'ego, la souffrance psychologique. Et la souffrance physique n'a rien à voir avec la souffrance physique perçue par l'ego. L'ego perçoit la souffrance physique selon ses propres schémas de programmation. L'individu qui est masochiste, lui, canalise une certaine forme de stimulation et cette stimulation lui plaît. Et l'individu qui n'est pas masochiste, elle lui déplaît. Mais dans le phénomène même de l'ego, la perception est simplement en accord avec un concept ou une programmation de l'ego qui fait que l'individu aime souffrir ou n'aime pas souffrir. D'ailleurs, tous les individus aiment souffrir. Pourquoi? Parce que l'ego, de toute façon, sait très bien que par la souffrance, il grave de l'information. Il faut bien comprendre que l'évolution de l'ego, ce qui est exprimé par l'ego dans son évolution souffrante, n'est pas du tout ce que l'individu a réellement besoin. L'individu qui évolue croit avoir des besoins. L'individu qui évolue croit avoir des peurs. C'est-à-dire qu'il est convaincu d'avoir des besoins et il est convaincu d'avoir des peurs. Mais cette forme de confiance en ses besoins, en cette demande de besoins et en ses peurs, ne sont qu'une croyance de l'ego. C'est une forme d'expressivité qui perturbe même les mémoires volatiles de l'âme, ainsi que l'âme lui-même, ainsi que l'ego. Ça perturbe, mais très souvent, c'est ça qui attire l'individu à évoluer, qui le pousse à évoluer. Oui, mais l'individu qui ne veut pas évoluer évolue pareil, et l'individu qui veut évoluer évolue pareil, mais les deux n'évoluent jamais comme ils le veulent. Pourquoi? Parce que fondamentalement, le rôle de l'ego chez l'être humain qui est en étape d'évolution n'est ce que l'ego veut faire lui-même. Ce n'est pas un rôle intelligent, c'est le rôle que l'ego lui-même a décidé. C'est-à-dire que fondamentalement, de par sa structure, ce n'est pas une décision d'énergie intelligente. Le ver ici a décidé de contenir l'eau. Mais en réalité, il n'a pas le choix de contenir l'eau. Alors, disons, on peut appeler ça une décision. L'ego, de par sa structure fondamentale, de par son existence même propre, n'a qu'une seule forme de travail qui peut l'amener à évoluer, c'est l'expérience. Il doit graver des expériences parce que l'ego lui-même a une peur qui est fondamentale chez lui maintenant que l'homme est rendu dans un état, disons, un état pitoyable ou très évolué, dépendant s'il faut flatter ou non l'ego. L'état actuel des choses, l'individu a une peur fondamentale, une peur en lui parce qu'il a des désirs et automatiquement il a peur que le désir ne soit pas satisfait. Et cet ego ne vit que par l'expérience parce qu'il s'identifie. Et c'est normal qu'un corps évolutif s'identifie, de même le corps physique doit s'identifier, il doit se personnaliser, il doit se contrôler, il doit s'impersonnaliser, s'identifier, etc. Alors le corps vital, le corps astral de l'homme s'identifie, mais il s'identifie non pas à lui-même, il s'identifie au tout. Et s'identifiant au tout, il doit prouver, il doit connaître l'extérieur et lentement, son propre schéma de constitution l'amène à devoir graver continuellement de l'expérience. Pourquoi? Parce que l'ego, en fin fond de lui-même, il appelle ça une conscience qu'il recherche, il veut avoir une conscience universelle, il veut avoir l'être humain un jour, l'homme réel, celui qui n'est pas psychologique, l'homme réel, celui qui est, disons, présentement au niveau du plan planétaire, mental, en descendant, l'être réel, lui, contient réellement en potentiel, en réalité, disons potentiel et non pas actuel, le phénomène de l'être divin, bouddhiste, supramental, mental, en descendant. L'être psychologique, lui, par contre, s'identifie au tout. Il croit qu'en lui se trouve le tout. Et ne pouvant trouver en lui le tout qu'il est convaincu d'avoir, il le recherche donc à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il essaie de faire en sorte que l'extérieur finisse par être en lui. L'individu qui, par exemple, fait des conférences ou l'individu qui travaille dans n'importe quel domaine se sent rassuré s'il a de l'expérience, ce qui porte l'individu à lire, à s'instruire, à expérimenter. Les individus, de temps en temps, parlent d'initiation parce qu'ils espèrent, disons, par un certain processus expérientiel planétaire, arriver à acquérir plus d'expérience dans un facteur temps limité. Et cette expérience, elle est essentielle dans l'évolution de l'ego, mais elle n'est pas essentielle dans l'évolution de l'être humain. Par contre, dans l'état actuel des choses, l'ego a une évolution essentielle dans l'évolution de l'homme réel. Donc, en ce sens, l'homme réel a besoin d'expérience pour évoluer. C'est-à-dire que l'ego a besoin d'expérience pour arriver à découvrir un jour qu'il doit se remettre entre les mains de l'être mental, donc de l'énergie mentale, qui, elle, peut se mettre entre les mains de l'énergie supramentale, ce qui va faire en sorte qu'à un moment donné, l'ego va pouvoir être purifié, on peut disons même dire détruit, par les énergies supérieures, mais l'être, l'ego, doit absolument acquérir de l'expérience pour découvrir ses limites, pour, disons, de temps en temps, s'en remettre entre les mains du boss, en se disant très bien que n'importe quand, il peut fermer les portes, donc il continue à contrôler, et il va chercher seulement ce qui est bon chez le boss, c'est dans l'énergie mentale ou supramentale, ou dans l'énergie religieuse, ou chez un individu, et à un moment donné, ah, il ne manipule pas, je contrôle. Alors, ce fait... Cet état de choses amène donc notre ego, l'être psychologique humain, à s'en remettre à des énergies supérieures, ce qui évidemment peut le tromper, mais il n'y a pas d'évolution dans l'énergie de l'homme. L'homme qui est individuel peut avoir des étapes d'involution et d'évolution, mais il ne peut évoluer plus bas que la masse. La masse, évidemment, dans laquelle il vit. Alors, ce qui fait que, donc, l'évolution humaine, on s'en fout, parce que dans la réalité des choses, il n'y en a pas. L'évolution de l'homme existe dans une individualité, mais elle est réelle dans l'évolution collective, évidemment, d'une masse. Alors, ce qui fait que l'individu psychologique a donc besoin de recherche, évidemment, à l'expérience, parce que l'expérience, c'est comme s'il s'accaparait de l'extérieur pour le mettre dans l'intérieur, donc il est rassuré et de plus en plus croit être le tout, dans sa psychologie, et tous les phénomènes d'évolution de l'homme ne sont des phénomènes qui amènent l'être psychologique à évoluer. La religion ne fait évoluer que l'être psychologique. N'importe quel genre d'école traditionnelle, ésotérique, ou quoi que ce soit, psychologique ou sexuelle, ou tout ce que tu voudras, ne sert qu'à l'évolution de l'homme psychologique, et c'est normal, parce qu'il n'y a que l'homme psychologique qui veut évoluer, parce qu'il n'y a que l'homme psychologique qui ne sait pas où il se trouve, parce qu'il n'y a que l'homme psychologique qui se cherche, parce qu'il n'y a donc que l'homme psychologique qui pollue tout le reste des sphères de l'être réel. Alors, automatiquement, vu que l'homme psychologique s'identifie d'une façon grotesque et, disons, immense dans l'actualité des choses, l'être psychologique nuit à l'expressivité de l'être réel dans la matière, donc des autres plans mentaux à l'en descendant, et pour permettre au au plan mental et supramental d'être en contact avec le plan physique. Il doit donc passer à travers, évidemment, le plan de la psychologie, le plan du vital. Alors, automatiquement, le plan supramental, le plan mental, ainsi, évidemment, que le plan de l'intelligence aberrée de l'astral planétaire, vont faire en sorte que l'être humain vive des expériences. Alors, en ce sens, automatiquement, tu as des souffrances karmiques, du karma relatif, celui qui est lié à ta culpabilité, à ton apprentissage. Alors, tu fais quelque chose, tu souffres, donc tu payes déjà un karma que tu te décides toi-même. Tu as une espèce de phénomène expérientiel qui est amené par la mauvaise conduite de l'homme, c'est-à-dire par la conduite de l'homme psychologique, celui qui veut manipuler l'extérieur. Automatiquement, il souffre par l'expérience, mais il grave de l'expérience. Donc, l'homme se fout de souffrir. L'homme... ça ne le dérange pas trop de souffrir parce qu'il y a grave, il y a, disons, expression, imprimage à l'intérieur de sa psychologie. Si je te dis, laisse cette femme ou laisse cet homme parce que tu risques encore de souffrir, tu as le plaisir que tu recherches, puis la souffrance, tu es prêt à risquer quand même. Mais dans la réalité, l'homme se dit que, ah oui, mais je veux fuir la souffrance, mais je veux juste le plaisir. Non, c'est pas vrai. C'est ce que l'être humain ici exprime et croit. Mais dans le fondement même de sa psychologie égoïque, il y a recherche de la souffrance ainsi que du plaisir, parce que l'ego s'exprime d'une manière ou d'une autre. Que tu souffres ou que tu sois joyeux, il y a expression et il y a imprimage, impression à l'intérieur de l'ego. Et c'est pourquoi que l'ego ne refuse pas la souffrance, et c'est pourquoi que l'homme psychologique travaille d'un bonheur à un malheur, et sa vie n'en change pas. Et de toute façon, les deux sont reliés ensemble, mais l'homme ne fuit pas réellement la souffrance. L'homme ne fuit pas la souffrance. L'homme est même prêt à souffrir pour ne plus souffrir. Comme l'homme est prêt à entrer en guerre pour s'assurer d'une paix. L'homme est prêt à entrer en guerre pour lutter contre la guerre. Et ça, c'est le fondement de l'ego qui ne recherche que l'impression. Et la souffrance, automatiquement, elle est nécessaire parce que c'est le seul moyen qui va permettre à l'ego de s'en remettre à une énergie qui lui donne l'impression de pouvoir éliminer la souffrance. Mais dans le fondement même de l'ego, il recherche la souffrance autant qu'il recherche le bonheur. Et dans la manipulation de l'extérieur, tu as l'ego, donc l'homme psychologique qui se crée des événements de par sa mauvaise compréhension de l'état des choses, et tu as l'énergie mentale et supramentale qui a une tendance à vouloir susciter des événements dans le plan planétaire pour, justement, impressionner encore l'ego, l'amener à s'en remettre de plus en plus souvent à l'énergie mentale, et automatiquement, il lâche les brides lentement à l'énergie mentale. En ce sens, la souffrance est totalement bénéfique à l'être humain. Est-ce qu'on peut raccourcir la souffrance avec différentes méthodes, comme l'observation, par exemple, de la souffrance? Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'observation. Est-ce qu'on peut l'appliquer à la souffrance? Vois-tu, tout dépend qui observe. Si c'est l'être psychologique qui observe, il dénotera, il découvrira lui aussi une souffrance dans l'observation. Maintenant, si c'est l'énergie mentale chez l'être humain qui observe, disons l'intellect qui est le mental, la sucheti, si c'est la partie mentale qui observe, il n'y a pas de souffrance possible dans le plan psychologique lorsqu'il y a observation par le mental dans la conscience. Parce que dans la conscience présente de l'être humain, dans la conscience cérébrale de l'être humain, il ne peut y avoir qu'une conscience à la fois, conscience psychologique ou conscience mentale. Il peut y avoir évidemment conscience vitale ou conscience physique, mais une à la fois. Alors, si le mental prend conscience d'un phénomène, il n'y a plus souffrance. Et c'est pourquoi que, donc, dans une collectivité, il serait bon que, disons, d'enseigner le phénomène mental, donc d'amener l'homme à une mentalisation, d'amener l'homme à développer le plan mental, d'amener l'homme psychologique à être remplacé par l'homme mental. Disons qu'en ce sens, il y aurait déjà évolution dans le plan collectif. L'observation même qui est faite par le plan mental, évidemment, bannit la souffrance, parce que dans la conscience de l'homme physique, de l'homme terrestre, lorsqu'il y a observation par le plan mental, il y a conscience mentale, donc n'ayant pas de conscience psychologique, il n'y a pas de souffrance psychologique, même s'il y a impression dans la psychologie. OK. À ce moment-là, est-ce qu'il serait bon d'essayer d'observer mentalement? Vois-tu, c'est qu'il faut bien s'entendre. S'il est bon d'essayer d'observer mentalement, dans le plan mental, il n'y a pas d'essai. Il y a ou il n'y a pas, premièrement. Deuxièmement, il n'y a pas de bon ou de mauvais. Il n'y a pas de dualité psychologique dans le plan mental. Il y en a une dans le plan psychologique, cela va de soi. Et une autre chose, c'est que l'individu psychologique qui décide d'observer mentalement n'arrivera jamais à observer mentalement pour la faible raison que lui-même ira fouiller dans les hautes sphères mentales de l'astral, comme on a des sphères supramentales dans l'astral ou de l'astral supramental, il ira essayer de se berner, donc de se faire croire que présentement il observe d'une façon mentale et que cela lui plaît d'observer d'une façon mentale que cela va bien. Parce que dans l'impression psychologique de l'homme, il y a de la place pour l'impression physique, évidemment, les relations sexuelles, la jouissance gustative, etc., stomacale. Il y a de la place pour l'impression vitale, il y a de la place pour l'impression psychologique, l'impression mentale, la délectation de recherches scientifiques ou encore de communication ésotérique ou tout ce que tu voudras. Il y a de la place pour du supramental en masse, autant pour les autres plans bouddhiques et divins. Alors, ce qui fait que l'individu qui a connaissance, et l'individu doit avoir connaissance, l'individu qui recherche l'observation mentale, un jour peut arriver à une observation mentale, c'est-à-dire que l'individu n'y arrivera pas, mais en lui va s'instaurer l'observation mentale, ce qui est totalement différent. Mais il peut aussi arriver à croire, à rentrer dans un monde d'illusion, parce que le monde de l'illusion dans l'astral, c'est un monde qui gonfle de plus en plus. Alors, il va finir par éclater, mais pour l'instant, il gonfle encore. Alors, ce qui fait que l'individu qui décide de s'observer, tu t'observes, mais tu ne peux pas prendre la décision de t'observer. Pas réellement. En prenant la décision de t'observer, tu vas avoir l'impression de t'observer, tu vas avoir l'illusion d'observer, tu vas observer, mais ce n'est pas la bonne partie de l'être réel qui observe, c'est-à-dire que ce n'est pas l'être mental qui observe des relations pour en faire une synthèse pour déterminer s'il y a efficacité ou non efficacité et quelle devrait être l'expressivité de l'homme. Dans l'homme psychologique qui s'observe, l'homme psychologique s'observe non pas pour aucune raison de relation, il s'observe simplement pour essayer d'éliminer quelque chose qui ne va pas avec sa psychologie. Alors ça peut être éliminer une souffrance, éliminer une peur, éliminer une tentation, éliminer des choses dans le genre. L'observation, elle est bonne, elle est salutaire chez l'être humain, mais il faut évidemment prendre conscience que celui qui s'observe peut évidemment être berné par l'observation, c'est-à-dire que c'est l'être psychologique qui s'observe. Au même titre que l'individu qui observe la souffrance des autres, arrive à ne plus souffrir. Tu es complètement nerveux, tu es excité, et on a plein d'excités autour de toi, ça va te calmer. Alors ça te calme pourquoi? Parce que tu observes les autres et tu décides de les prendre en main puis d'y aller. Alors automatiquement ça te calme, mais ce n'est pas l'être mental qui prend le dessus, c'est l'être psychologique qui a l'impression d'être correct. Mais c'est lui qui observe d'autres êtres psychologiques. Alors quand l'être psychologique s'observe lui-même, c'est le même processus qui va se passer, l'individu peut avoir une espèce d'impression de calme ou enfin, bref, l'impression qu'il observe va disparaître, va avoir une tendance à disparaître, mais elle est impressionnée dans la psychologie, non pas selon les mêmes lois qui vont régir l'impression dans la psychologie lorsque le mental observe. Lorsque le mental observe, l'expérience, l'événement est impressionné, donc c'est-à-dire est gravé dans la mémoire de l'homme sans la souffrance. Et lorsque l'être psychologique observe, il n'y a pas souffrance dans la conscience de l'être humain, il n'y a plus peur ou souffrance ou expressivité, disons malhonnête, colère ou des choses dans le genre par le corps physique, mais il y a impression dans la psychologie de l'homme, de l'expérience, ainsi que des phénomènes colère, peur, etc., etc., que l'homme a tendance à vouloir éliminer par l'observation. Alors, ce qui fait que si tu t'observes psychologiquement, au bout de 5 ans, tu risques de claquer parce que tu seras le même genre d'individu qui aura refoulé en lui les phénomènes, et sauf que tu n'auras pas conscience de les refouler, ce qui est différent de l'individu qui tend à se contrôler par la psychologie. Le mental ne veut pas contrôler l'homme psychologique, mais l'homme psychologique mental veut contrôler l'homme psychologique psychologique. Alors, automatiquement, il y a refoulement. Et si c'est le mental qui observe, il n'y a impression que de la réalité même de l'événement, donc de l'expérience, mais il n'y aura pas gravation, disons, impression du mécanisme psychologique qui serait assujetti à l'observation psychologique. OK, nous allons passer à la deuxième question, Daniel. Côté évolution collective, sans enfin, aucune évolution. Côté individuel, sans enfant, y a-t-il chance d'évolution? Bon, alors évidemment, une question qui vaut cher. C'est écrit sur un chèque, mais il n'est pas signé. Ah bon. Alors, une évolution collective sans enfant, aucune évolution. Maintenant, il faut s'entendre. C'est-à-dire que l'évolution de la planète se fait évidemment par la génétique, donc elle se fait par la transmission de l'évolution dans le code génétique transmise des parents aux enfants. Évidemment, l'être humain qui évolue et qui n'a pas d'enfant, ne transmet pas par la génétique corporelle une évolution. Donc, en ce sens, une évolution collective sans enfant, c'est évident qu'il n'y a aucune évolution. Il y a extinction de la race humaine, évidemment, il n'y a aucune évolution réelle dans la race humaine. Parce qu'il faut bien comprendre que l'évolution d'un individu n'a aucune importance dans le plan évolutif réel. L'évolution d'une collectivité est importante et l'évolution dans la génétique est extrêmement importante. D'ailleurs, c'est le seul support de l'évolution, à part la tradition qui, elle, évidemment, soutient l'évolution de l'homme psychologique et non pas l'évolution de l'homme réel. Alors, ce qui fait que le corps physique étant le seul véhicule d'expressivité, le seul véhicule d'expression d'énergie dans le plan matériel et que l'expérience évolutive se fait dans le plan matériel pour commencer chez l'homme, évidemment, le plan génétique est l'apanage même de l'évolution, mais il faut toujours savoir que l'hérédité et l'évolution sont deux ennemis, même si l'évolution est transmise par le plan génétique. Alors, ce qui fait que l'individu... qui évolue pour lui-même, qui est un ermite, qui est dans un ashram quelque part perdu au Tibet, lui, comme tel, à part un processus, disons, d'évolution vibratoire qui est à peu près extrêmement infime dans l'état actuel des choses, parce que, disons, sur 4 milliards 800 millions d'êtres humains qui vibrent, c'est un être humain qui vibre à travers ça et qui est tout seul et qui ne transmet rien, n'amène, lui-même n'évolue à peu près pas dans le sens réel. L'être psychologique a des impressions psychologiques d'évolution, mais une fois que cet être-là est mort, il est mort et bien mort. Il ne va rester que de sa vie, de son évolution, que des parcelles mémorielles dans l'astral qui seront diluées et digérées par l'astral collectif. Et évidemment, cet être humain-là se réincarnera selon les lois même de réincarnation pluralitaire dans une collectivité à un moment donné, mais il n'aura pas poussé l'évolution de l'homme. Bref, sa vie a une certaine utilité, mais qui n'a aucun rapport avec l'individu, quelle que soit sa foutue évolution qui part à des collectivités. Si on prend n'importe quel gourou, Vishou Célestin, ou n'importe où qu'on peut trouver sur la planète, alors lui, s'il communique avec une masse, il aide beaucoup plus l'évolution que l'individu perdu dans son ashram qui ne communique avec personne. En autant qu'il hausse le taux vibratoire, qui permet de hausser le taux vibratoire à son auditoire. Il n'a pas le choix. Il pourra les amener à la souffrance, ce qui est déjà un bon point. Il pourra hausser leur taux vibratoire, mais il ne pourra pas le diminuer. Il ne peut pas le diminuer. La collectivité et de l'évolution même collective de l'homme serait totalement diminuée si l'être humain arriverait à diminuer l'évolution collective d'un être humain. Adolphe n'a pas réussi à diminuer quoi que ce soit. Li Shulong n'a pas réussi non plus à diminuer quoi que ce soit. Le comte de Saint-Germain, qu'il aurait voulu ou non, il n'aurait pas pu diminuer l'évolution vibratoire de la masse. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux grossir des ballons, disons, dans la psychologie de l'astral, par exemple, ce qui, dans l'expressivité, donne l'impression d'évolution quelque part. Mais il n'y a aucun être humain qui peut arriver à faire baisser le taux vibratoire de l'évolution d'une race évolutive. Cela est totalement impossible et cela n'arrivera jamais, cela ne se peut pas. Par contre, l'individu qui ramasse 300 000 personnes, qui les bourre de drogue, qui fait n'importe quoi à l'intérieur de ça, n'abaisse pas le taux vibratoire de l'évolution collective. Il ne fait que gonfler, qu'énergiser le plan de l'astral, et ce qui amène les individus à acquérir une expérience. Ce qui fait qu'à un moment donné, l'individu qui vit des expériences sur la planète n'aura pas à passer par cette expérience-là, parce que 300 000 individus y seront passés et auront énergisé l'astral, ce qui fait que tu auras déjà la connaissance de cette expérience-là sans avoir à passer physiquement à travers. Ce qui fait que dans la réalité des choses, il y a évolution. Quand on parle des guerres qui évoluent, la guerre est le seul processus intelligent qui a été admis sur la Terre pour permettre l'échange des races, le mélange des races. Et le mélange des races, ça a donc été la fabrication de corps physiques plus évolués et plus solides, ce qui est évidemment le résultat de l'évolution génétique de l'homme. La guerre a permis le mélange des races. La guerre n'est plus utile aujourd'hui parce qu'on a des moyens de transport qui couvrent l'échelle de la planète. Et on n'a plus de morale qui interdit, disons, le mélange entre un noir et un blanc, un jaune et un rouge. Mais si on regarde simplement l'évolution de l'homme lorsqu'il y a guerre, il n'y a qu'évolution dans l'homme psychologique. En apparence seulement. Ce n'est qu'une apparence. En d'autres mots, ça fait seulement gonfler la ballonne pour qu'elle pète plus vite. Parce qu'il faut et qu'elle... quand on dit que la ballonne va péter, évidemment, il faut bien comprendre que c'est l'ego qui va simplement aspirer les mémoires volatiles. Donc, tout le schéma expérientiel qui n'est pas intégré à sa propre personnalisation, il va les aspirer selon le processus qu'on a déjà vu lors d'une conférence antérieure. Et à un moment donné, l'âme arrive à être collée sur l'ego, ce qui fait que l'âme elle-même se fait digérer par l'ego, donc il n'y a plus, disons, de potentiel astral, il n'y a plus d'âme, il n'y a que l'ego. Et l'ego sans âme n'est plus protégé, ce qui fait que les égos vont commencer à s'absorber l'un l'autre, ce qui fait qu'à un moment donné, l'être humain n'aura plus, l'être humain n'a pas à détruire l'astral, l'astral lui-même va s'autodigérer, et les égos même de l'homme vont s'autodigérer eux-mêmes ensemble, pour arriver à ce que les individus égoïques recherchent l'impersonnalisation. Mais un individu égoïque ne peut être impersonnel. De toute façon, tant que tu as un corps physique qui est extrêmement personnel, c'est l'évolution de l'ego. L'individu ne veut qu'évoluer. Ça veut dire que c'est l'homme psychologique qui ne veut qu'évoluer. Et lui croit arriver à une impersonnalisation, même si son corps physique est personnalisé. Lui croit arriver à une impersonnalisation, même si son plan mental réfléchit selon une coordination qui lui a été enseignée à l'école. Donc, il est toujours personnalisé, il est toujours identifié, même si dans sa psychologie, il recherche un résultat. L'être humain psychologique ne peut pas faire évoluer le corps physique seulement en réfléchissant. Il croit pouvoir le faire. Pourquoi? Parce qu'il croit qu'en lui est intégré le corps physique. Donc, s'il y a un travail qui est fait dans l'homme psychologique, le corps physique va être transformé. Le corps physique est transformé seulement quand le potentiel de l'astral de l'individu, donc l'astral qui est contenu dans l'âme de l'individu, vibre selon un certain rythme, et cela peut engendrer une vibration perturbatrice, bonne ou mauvaise, dans le plan de vital, qui va engendrer évidemment une perturbation dans le plan physique. Mais ce n'est pas parce que l'homme pense que le physique change. Alors, si tu regardes simplement l'évolution dans la génétique, ou encore l'évolution des masses, il n'y a aucun individu qui peut amener l'humanité à évoluer, et l'individu qui évolue ne peut pas aller plus bas que la collectivité qui l'entoure, et l'individu qui évolue ne peut pas aller plus haut que la collectivité qui l'entoure. Ce que je veux dire par là, c'est que tu as une espèce de plafonnement collectif en haut et en bas. Alors, la collectivité, elle est extrêmement évoluée, et elle est évoluée autant que le plus haut point dans son évolution, et un individu qui tend à monter, s'il ne fait affaire qu'avec la collectivité en termes d'expérience ou d'énergie, ne peut pas aller plus haut que le plus haut point déjà atteint par la collectivité, de même que l'individu ne peut pas évoluer plus bas que le plus bas point atteint par la collectivité, ce qui est accepté par la collectivité. Si tu veux avancer plus haut, tu dois changer de pays. Tu dois toucher d'autres terres pour ramasser d'autres formes d'énergie tellurique. Tu dois te ramasser dans des endroits où l'homme n'a pas été, où l'homme ne va presque pas, où il n'y a pas de plafond psychologique chez l'être humain. Et là, tu peux ramasser ou tu peux entrer en contact avec des formes d'énergie, disons, supérieures, qui ne seront pas tamisées par la collectivité dans laquelle tu vas vivre. Une initiation peut se faire dans certaines conditions, disons, collectives, ou certaines conditions sociales, mais il vient un temps où l'être qui évolue réellement doit changer de milieu, il peut revenir dans son milieu après, et là, il aura augmenté le taux vibratoire évolutif de la collectivité. Mais il ne pourra pas pousser à l'intérieur de ce taux-là. C'est pour ça que plusieurs vont dans les jungles. Bon, ils iront où ils voudront, mais une chose qui est sûre, c'est que ça, c'est surtout une chose qui est importante, c'est que l'individu qui suit un guide, un gourou, un maître ou un machin, à un moment donné, doit changer. Parce qu'il ne peut pas dépasser le maître en suivant le maître. C'est normal. Il ne peut pas. Et si toute la collectivité qui suit un maître est une collectivité religieuse, et l'individu n'est pas religieux et le maître non plus, il aura de la difficulté à se débarrasser du phénomène religieux parce qu'il est dans un contexte qui est religieux. Donc l'individu devra changer de maître ou voyager de temps en temps avec son maître ailleurs. Et à un moment donné, il arrivera lui-même à se débarrasser de ce maître. Car ce sont des escaliers et l'individu qui garde la même marche ne peut pas arriver en haut de l'escalier, c'est évident. Alors donc, il faut bien comprendre que l'individu qui n'a pas d'enfant, évidemment, ne transmet pas par la génétique son propre plan d'évolution. Donc, il ne participe pas directement à l'évolution. Directement, d'une façon réellement efficace. Parce que l'évolution se fait sur tous les plans et non pas seulement sur le plan psychologique. Et l'individu qui évolue sans engendrer est un individu qui ne fait évoluer que le plan psychologique planétaire. Il ne fait pas évoluer le plan physique, le plan vital, le plan psychologique, le plan mental. Et si toi, tu es un génie et que ta femme est un génie et que vous êtes extraordinaire, que vous avez des enfants, évidemment, il y a tout le code génétique de vos arrière-grands-parents, mais vous avez des possibilités d'engendrer un corps physique qui, à l'instant même de sa naissance, sera plus intelligent et même qui pourra même être en relation avec un ajusteur, disons, personnalisé. Pourquoi? Parce que le corps physique permet l'expressivité d'énergie supérieure. L'être humain doit arriver à muter. Et si l'être humain a une mutation psychologique, c'est parce qu'il a une mutation physique cérébrale. Tu mets un médicament, tu transformes le physique et il y a transformation de la psychologie. Tu bois de l'alcool, tu transformes le physique et tu transformes la psychologie. transformation de la psychologie nécessite donc transformation du plan physique. Mais si tu transformes la psychologie, que tu arrives à une psychomutation ou donc à une cérébromutation et que tu n'engendres pas d'enfants, bien évidemment, les enfants qui vont naître ne seront pas mutés. Ils devront, ou eux autres aussi, faire le travail que tu as fait pour arriver à une mutation. Et s'ils n'engendrent pas, bien, c'est le même phénomène qui va arriver. Alors, les enfants qui, si toi tu as une mutation et tu n'engendres pas, les autres enfants devront faire le même travail que toi. Si tu engendres, une fois que tu es muté, dans tes gènes, il y a la mutation. L'enfant qui naît est un mutant. Et lui devra muter encore plus pour engendrer, et c'est d'ailleurs l'évolution de la race humaine. C'est pourquoi que l'homme devait se croître et se multiplier, et c'est normal. Et les guerres ont fait ce que l'homme n'a jamais voulu faire, ont mélangé les races. Alors, ce qui fait que l'individu qui n'engendre pas évolue et fait évoluer l'être humain dans le plan de la psychologie surtout. On oublie les exceptions qui sont exceptionnelles, mais là, pour la collectivité. Sauf, évidemment, s'il éduque et que ceux qui sont éduqués engendrent après avoir muté. Lui-même aura donc servi. Mais ce n'est pas important, l'être humain n'est pas là pour servir un plan particulier. Présentement, il y a, disons, de moins en moins de naissances au Québec, c'est normal, parce qu'il y a des événements qui doivent être passés avant d'avoir des naissances, parce que les naissances des enfants qui vont venir doivent être mutées, ce qui fait que la collectivité, disons, dans la région du Québec et d'une partie de l'Ontario, doivent évidemment vivre des expériences, doivent connaître des formes d'énergie, doivent transformer leur corps physique et après ça, ils engendreront des enfants qui, eux autres, auront un potentiel. Il y a quelques enfants qui vont naître, évidemment, avant, qui sont déjà naissants de parents mutés et qui devront servir, dans les 10 ans qui vont venir à certaines choses. Mais disons que pour l'instant, ce n'est pas important le fait de savoir si on engendre ou on n'engendre pas dans l'étape actuelle des choses, et il y aura toujours des engendreurs de toute manière, ce qui fait que ça ne change rien. Et on n'engendre pas un enfant pour pousser l'humanité. Avoir un enfant, c'est quelque chose qui est mental, non pas quelque chose qui est psychologique. Et si c'est l'homme psychologique qui veut avoir des enfants pour évoluer, son enfant sera similairement semblable à lui, donc manipulable par les mêmes moyens, par les mêmes lois, assujetti aux mêmes pressions, puis c'est le même phénomène qui va se passer. Est-ce que l'âme est un monde d'entités qui manipule l'homme par le biais de la pensée? Et quand l'homme devra briser l'œuf, il devra détruire l'âme ou le monde d'entité pour être libre? Bon, je répète assez souvent, mais c'est jamais compris, que l'homme est manipulé, mais que réellement, par rapport à l'homme, il n'y a pas de manipulateur. Est-ce que l'âme est un monde d'entité? Oui et non. L'être humain qui évolue est un être psychologique. On en a parlé 3 heures de temps de l'un mois. Et la majorité des individus ne sont pas arrivés réellement à saisir le phénomène. L'âme est l'enveloppe de l'être psychologique. L'âme, c'est l'œuf. C'est l'intégralité de l'être psychologique. Et dans l'âme, il y a possibilité de mémorisation de choses physiques, de choses vitales, de choses psychologiques, de choses mentales, de choses supramentales. Donc, ce qui amène l'homme psychologique à croire qu'il est tous ces plans-là. Il n'y a pas d'entité qui manipule l'homme par le biais de la pensée. Il n'y a que la pensée qui se manipule elle-même. Il n'y a que l'homme psychologique qui crée lui-même des phénomènes extérieurs et qui accepte par après d'être assujetti à ces phénomènes. Je ne peux vous manipuler. Par contre, j'arrive très facilement à vous manipuler. Parce que vous acceptez la manipulation pour la raison que vous recherchez des expériences, premièrement, et deuxièmement, pour différentes raisons d'ordre conceptuel. L'homme est manipulé par une force motrice manipulatrice qui n'a aucune raison de manipuler. Vous êtes chauffeur d'autobus scolaire, et quand les enfants rentrent dans votre autobus, il y en a 2-3 qui se mouchent après les bancs de l'autobus. Vous ne dites rien. Dans un an, si tous les enfants se mouchent après votre autobus, vous allez essayer d'aller les empêcher. Puis vous allez dire que les enfants vous manipulent. Vous les avez dressés à vous manipuler, et après ça, vous vous plaignez. C'est lorsqu'une chose commence à naître que l'homme mental doit l'observer et déterminer s'il la laisse croître ou non. Par après, il y a manipulation, mais il y a eu accréditation, il y a eu même nourriture donnée par la psychologie à la chose qui, après ça, va vous manipuler. on a peur. On a peur des forces sataniques, on a peur de différentes choses. J'ai déjà parlé à un moment donné des forces sataniques de l'Agartha, parce que l'Agartha n'est que satanique. Les forces sataniques qui amènent la diplomatie sur la Terre, une diplomatie qui est évidemment le moyen de transmettre l'ignorance dans les peuples, parce que la collectivité ignorante vote, et évidemment, c'est l'ignorance qui est portée au pouvoir. Si on regarde simplement des phénomènes dans le genre, cela amène les individus qui croyaient que l'Agartha était le centre où étaient, où demeuraient les grands maîtres. Effectivement, ce sont des grands maîtres. Pour ceux qui se laissent manipuler, ce sont des maîtres, car ce sont des maîtres. Et ils maîtrisent, ils manipulent. Mais l'être humain qui accepte la manipulation est un être humain qui crée la manipulation. Je viens vous voir et je vous dis « levez le bras ». Vous ne levez pas le bras. Et après 30 tentatives, vous ne réagissez pas. Je ne vous manipulerai plus jamais. Mais vous me dressez à vous manipuler, alors faites-moi confiance, je vais vous manipuler. Et moi, je peux le faire d'une façon intelligente pour vous amener à comprendre des choses. Mais si vous dressez un prêtre, un professeur, un patron, un chauffeur de taxi ou n'importe quoi à vous manipuler, évidemment, il va vous manipuler. Et après ça, vous allez maudire l'extérieur qui vous manipule. Vous allez rechercher le manipulateur ou les manipulateurs. Vous avez peur, c'est un état, une attitude d'esprit qui, évidemment, permet aux choses qui amènent la peur, qui engendrent la peur, de venir vous rencontrer et vous faire peur. Donc, ils vous manipulent. Évidemment, l'être humain qui évolue crée une attitude qui permet dans l'extérieur, dans la psychologie de l'astral, la création d'un manipulateur, disons, qui est intentionnel, qui serait intelligent et qui aurait des désirs. Intelligence aberrée, une intelligence mémorielle, et non pas une intelligence supramentale ou immédiate, active. Mais, en réalité, l'énergie même qui manipule ne manipule qu'une société. Elle manipule la masse qui n'est pas consciente du fait qu'elle est manipulée. Et si vous, vous vivez dans une masse, alors automatiquement, vous décidez de vivre dans la collectivité. Alors, même si vous décidez de ne plus être assujetti à un manipulateur, disons, astral, je n'ai plus peur. Déjà, c'est une expressivité de l'ego qui peut être une expressivité d'une manipulation, mais on s'en fout. L'être humain psychologique, je le répète souvent, est manipulé et sera toujours manipulé par les forces d'en bas ou par les forces d'en haut. Par l'énergie astrale ou par l'énergie supramentale, il restera un être manipulé. L'être réel n'est pas manipulé. L'être psychologique, ce qui est vous-même, vous êtes manipulé. Et la manipulation, elle est possible, je l'ai déjà dit avec lors d'une conférence, que l'être qui est manipulé ne peut être manipulé que selon son potentiel d'acceptation à la manipulation. Et le manipulateur ne peut manipuler une chose qui n'est pas apte à être, qui n'est pas réceptive à sa manipulation. Je veux manipuler la ville de Montréal pour qu'il se promène dévêtu tout l'été. J'aurais beau vouloir manipuler, ils ne seront pas manipulables. Et le manipulateur, aussi futé soit-il, ne peut manipuler un être, une entité, qui n'est pas réceptif à cette forme de manipulation. Et cette réceptivité, vous la développez, vous l'engendrez, vous la créez et vous la dénommez loi. Mais cette loi est créée par l'être humain et c'est l'être humain qui veut s'en sortir. Et voulant s'en sortir, il nourrit la loi. La loi d'impression, la loi de manipulation. Il n'y a pas de manipulateur intentionnel qui, à un moment donné, est arrivé sur la planète dans le seul but de manipuler l'être humain. Le manipulateur a été créé. C'est une chose qui existait déjà, qui a été transformée par la masse, qui se recherchait un guide, qui se recherchait un maître, qui recherchait quelque chose pour les rassurer, qui recherchait qui essayait d'avoir le moins de contact possible avec l'énergie mentale, donc s'en remettait à l'énergie astrale, et c'est l'homme psychologique, évidemment, qui a fait ce travail. Le manipulateur existe, même s'il n'existe pas. Le manipulateur existe selon votre potentiel d'être manipulé. L'individu même qui se fait manipuler est un individu qui accepte la manipulation pour deux raisons. Parce qu'il a peur de changer, parce qu'il ne connaît pas la manipulation. Mais le fait de rechercher le manipulateur pour le maudire, c'est de rechercher une pierre philosophale qui n'existerait pas. L'individu ne doit travailler que lui-même par rapport à lui, et là encore une fois, il se fait avoir. parce que l'individu qui essaie de s'en sortir est un individu qui est assujetti à un plan manipulatif d'individu qui essaie de s'en sortir. C'est comme si on voudrait soigner la pollution, si on voudrait éliminer la pollution, il est beaucoup plus facile que chaque individu cesse de polluer que de commencer à ramasser toute la cochonnerie qui est distribuée. Exactement. Au lieu de mettre un filtre au bout de ta cigarette, t'arrêtes de fumer. L'individu recherche toujours à l'extérieur de lui les choses mauvaises. L'homme fait les bonnes choses et Satan le porte à faire les mauvaises choses. Satan est une forme qui existe. Le prieuré de Sion est une forme, disons, satanique reliée à l'agartha d'ailleurs. Et l'agartha est une forme satanique. Les individus recherchent le contact avec les maîtres. Les maîtres vont leur donner ce que, conceptuellement parlant, ils ont besoin pour se laisser manipuler. Maintenant, encore là, vous faites appel à la manipulation. Vous avez peur, vous êtes tout ce que vous pouvez être. L'on vous crie des bêtises, vous réagissez. Et on en parle souvent, cela vous tanne, vous êtes encore assujetti à la manipulation. Donc, tannez-vous pas, vous n'êtes pas encore sorti du bateau. Maintenant, une chose qui est évidente, c'est que l'homme psychologique est le seul qui peut être manipulé dans les corps qui sont complets. L'homme mental, l'énergie mentale, évidemment, n'est pas complète chez l'être humain. Elle est à peine à sa phase d'identification. Elle n'est ni personnalisée, ni identifiée. Disons que la majorité commence à avoir une phase d'identification mentale. Elle est manipulée, c'est-à-dire qu'elle est colorée, mais le mental, dans sa réalité propre, n'est pas coloré par l'astral. Il n'y a que l'expressivité du mental qui est colorée par l'expressivité de l'astral. On mélange, on prend un bac d'eau vert, un bac d'eau bleue, et le bleu est l'astral, le vert est le mental. J'ai fait couler du mental, c'est vert, ce n'est pas... Le mental est pur. J'ai fait couler de l'astral, c'est bleu, l'astral est pur. Disons que le bleu est un astral pollué. J'ai fait couler les deux par le même réceptacle et j'ai plus du vert ni du bleu. J'ai un mental coloré, un mental pollué. Mais dans la réalité même, le mental n'est pas polluable. Mais l'expressivité du mental se fait par le véhicule qui sert aussi à l'expressivité de l'astral et c'est dans ce véhicule que se fait la pollution. L'énergie mentale est pure, mais elle n'est pas suffisamment formée pour arriver à prendre le contrôle de l'énergie physique pour pouvoir s'exprimer d'une façon claire. Qui laissera dans l'impression, donc dans la mémoire de l'astral, la mémoire claire de ce que le mental voulait exprimer ou imprimer? Alors, présentement, la manipulation, elle existe parce qu'il y a des êtres qui sont assujettis à être manipulés, des êtres qui acceptent la manipulation, et automatiquement, dans la psychologie de l'astral, lorsqu'il y a un courant, un vent astral, ben, les êtres qui sont assujettis à être balayés par le vent sont balayés. Mais le vent ne vient pas pour manipuler. Mais si le vent peut pousser quelque chose à terre, il le pousse. Et si la chose accepte d'être poussée, sachez bien que tous vos fichus manipulateurs, vous les avez appelés, vous les avez dressés, vous les avez éduqués à vous manipuler, et maintenant vous les maudissez. Et ceux qui comprennent ça se maudissent. Et se maudire, c'est réengendrer le même processus, mais au lieu de chercher le manipulateur à l'extérieur, on le cherche à l'intérieur. Et il n'y a pas de manipulateur réel, même s'il y a manipulation de l'homme psychologique par un manipulateur psychologique. L'être humain qui est manipulé accepte d'être manipulé, il a des problèmes, il refuse de perdre son ego, il refuse de perdre son orgueil, c'est normal. L'orgueil ne veut plus être manipulé, et pour ne plus être manipulé, elle doit disparaître. Et l'orgueil ne veut pas disparaître, mais elle ne veut plus être manipulée. L'orgueil, c'est l'expressivité même de l'homme de l'ego. L'orgueil est l'expressivité de l'ego, et l'ego est celui qui est manipulé. Et celui qui est manipulé pour ne plus être manipulé, par, évidemment, la psychologie, disons, planétaire, doit évidemment disparaître. Et l'ego qui s'identifie à l'homme complet croit qu'en disparaissant, il n'y aura plus d'homme. Mais il n'y aura que l'homme. Ce qui, présentement, n'est pas. Dans l'actualité potentielle, il y a l'être réel exprimé dans le plan planétaire. Et dans l'actualité réelle, il y a l'homme psychologique qui s'exprime dans le plan planétaire. Et ces deux choses-là sont totalement différentes, et l'un cherche l'évolution et canalise les énergies des autres plans pour s'amener une évolution. La fleur veut devenir belle, et la fleur, on n'a pas besoin de beauté, on s'en fout. Exactement comme si une vague qui arrive sur une plage dans le désert se rechercherait du public pour que le public puisse entendre le bruit qu'elle fait sur la plage. Même s'il est bien beau, ça donne absolument rien. Le public peut venir, la vague est contente, mais la vague continue à perdre son eau sur la plage, à user le sable, à faire le même bruit. Il n'y a aucun changement. Mais si toute l'énergie de la mer essaie d'attirer du public, La mère ne peut pas prendre cette énergie-là pour se perfectionner. L'homme réel existe, l'homme exprimé est l'homme psychologique, et l'homme psychologique canalise l'énergie de l'homme réel pour évoluer. L'homme psychologique veut devenir l'homme réel, alors que dans la simplicité des choses, il n'a qu'à disparaître pour être l'homme réel. Mais l'homme psychologique n'y croit pas parce qu'il s'identifie. Et s'identifiant, évidemment, il ne peut pas admettre autre chose que lui-même. Et lui-même est manipulé parce que lui-même est dans un phénomène d'évolution, et l'évolution même est une illusion, est une farce. L'homme n'évolue pas. L'homme ne peut évoluer. L'homme ne peut qu'exprimer. Et évoluer, ce n'est pas exprimer. Exprimer, c'est une chose. Évoluer, c'est de se transformer, c'est d'accepter petit à petit des expressions d'autres choses selon les concepts que l'on a. Mais l'être réel veut exprimer une forme dans l'énergie physique pour pouvoir transformer l'énergie physique. Mais ce n'est pas l'évolution. Ce n'est pas une évolution qui est adaptative, génétiquement, classe par classe, puis peuple par peuple. Mais l'évolution, présentement, ne peut être acceptée sur le plan planétaire que par la génétique, que par l'adaptation. Et pour arriver pour amener l'homme à s'adapter, évidemment, on doit donc mettre des embûches chez l'homme pour que l'homme s'adapte. Et l'homme refusant mémoriellement de se transformer, donc l'homme refuse de s'adapter, l'homme souffre parce que l'extérieur est transformé. L'homme souffrant fait la demande à des plans supérieurs qui sont évidemment intégrés à lui, et l'homme psychologique a des réponses, et l'homme psychologique s'adapte. Il y a évolution dans le plan psychologique de l'homme. Dans la réalité même, il n'y a qu'expression. Laisser s'exprimer par le corps physique des énergies, ce n'est pas évoluer. L'homme psychologique veut évoluer. L'homme psychologique veut gérer l'expression des énergies. L'homme psychologique veut décider quand le plan mental passe, quand le physique passe, quand le psychologique passe. Dans la réalité, l'homme réel, lui, exprime la totalité, mais le corps physique est présentement sous l'emprise de la psychologie de l'astral, par le système endocrinien, entre autres, et automatiquement, les énergies supérieures n'arrivent pas à s'exprimer dans le plan, disons, rationnel, matériel, d'une façon plausible, d'une façon intelligente. Et quand je dis intelligent, je ne parle pas d'intelligence supramentale. Le plan physique s'exprime intelligemment lorsqu'il exprime l'intégralité de sa vibration dans le plan physique. Il en est de même pour les autres plans. Alors, intelligent, présentement, serait, disons, amené à l'énergie mentale ou supramentale, l'intelligence dans l'homme psychologique. L'intelligence dans l'homme réel se voit sur tous les plans. Dans l'homme psychologique, l'intelligence ne peut exister que dans le plan mental qui pourrait régir le plan psychologique ou dans le plan supramental, mais de toute façon, lui doit passer par le plan mental pour régir l'homme psychologique, pour arriver à le faire gonfler suffisamment pour qu'il éclate. Même à travers tout ça, Daniel, est-ce qu'on pourrait pas dire que dans le plan psychologique, il y a une intelligence, mais très subtile, très avancée, pour faire en sorte que l'illusion soit la plus haute manipulation? L'intelligence dans le plan psychologique n'est que la structure du plan psychologique. Ce n'est pas une intelligence dans le sens psychologique comme l'homme la recherche. L'intelligence dans le plan psychologique n'est que la structure du plan psychologique qui coordonne les éléments, c'est une trame. Et selon la structure du plan psychologique, certaines choses se passent et d'autres choses ne peuvent se passer. Nous, on appelle ça intelligence. Mais il n'y a pas d'intelligence dans le sens que l'homme le conçoit. Il n'y a que structure. C'est quand même très bien orchestré, très bien structuré. La structure, elle ne pouvait être faite autrement que ce comme elle est faite, et c'est ce qu'on appelle l'intelligence. L'intelligence chez l'homme, c'est quoi? C'est quand son cerveau est capable de faire un certain travail. Mais l'intelligence n'est pas intelligence. Ce n'est qu'une intelligence artificielle. Ce n'est que la structure du cerveau qui permet l'intelligence. Ça serait le véhicule, quoi. Ce n'est que la structure, le véhicule qui permet la chose. Dans le plan psychologique, il n'y a pas d'intelligence, même si l'être psychologique découvre l'intelligence. Ce n'est que la structure, la manière qu'est formé le plan psychologique, qui fait que certaines choses se font et que d'autres ne se font pas. Et nous, on appelle ça régi par une intelligence. Mais un chien ne peut pas prendre un tournevis avec ses pattes pour tourner une vis. Et c'est sa structure qui l'interdit. Et un chien qui a une muselière ne peut mordre parce que la structure de la muselière l'interdit. Ce n'est pas parce que le chien est intelligent ou que la muselière est intelligente. Ce n'est que parce que la structure interdit et permet certaines choses. Le chien peut respirer, il peut déglutir, mais il ne peut mordre. Alors, on appelle ça l'intelligence parce que c'est comme gérer. Dans le plan psychologique, il n'y a pas d'intelligence réelle, il n'y a qu'une structure. Et cette structure permet et interdit des choses, donc l'être psychologique y voit une intelligence. OK, nous allons prendre une pause de 15-20 minutes. Et puis, on vous revient tantôt avec une autre partie de 1 heure.